Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la conspiration des poudres du 5 novembre 1605. Souviens-toi du 5 novembre 1605, de la conspiration des poudres de Guy Fawkes et de Jacques Ier. Souviens-t'en, car à l'oublier jamais, je ne pourrai me résoudre. Extrait du film V pour Vendetta, où sont reprises les célèbres paroles d'un chant populaire que l'on entend toujours à l'occasion des commémorations du 5 novembre, au cours desquelles les Britanniques se souviennent et célèbrent l'échec de la conspiration des poudres menée par Guy Fawkes et ses comparses et qui visait à faire exploser le Parlement de Londres, rien de moins. La conspiration des poudres est l'un des événements les plus marquants de l'histoire britannique. Si le complot de Guy Fawkes avait réussi, c'est une bonne partie de la monarchie et de la députation britannique qui aurait péri le 5 novembre 1605. Souviens-toi du 5 novembre 1605, de la conspiration des poudres de Guy Fawkes et de Jacques Ier. Souviens-t'en, car à l'oublier, jamais je ne pourrai me résoudre. Mais que savons-nous de lui ? Je sais qu'il s'appelait Guy Fawkes et qu'en 1605, il essaya de faire sauter la chambre du Parlement. Mais qui était-il vraiment? Quel genre d'homme était-ce? Nous devons nous souvenir des idéaux et non de l'homme. Car l'homme peut échouer. Il peut être pris. Il peut être tué et oublié. Mais 400 ans plus tard, ces convictions peuvent encore changer le monde. J'ai été témoin de la puissance des idées. J'ai vu des gens tués en leur nom et mourir en les défendant. Mais vous ne pouvez embrasser une idée. Vous ne pouvez la toucher ni l'étreindre. Les idées ne saignent pas et ne ressentent rien. Ni la douleur, ni l'amour. À nouveau, un extrait du film V pour Vendetta, réalisé en 2006 par James McTeague et inspiré de la série de bande dessinée du même nom, publiée, elle, dans les années 80 et 90. V pour Vendetta transpose au 21e siècle l'idée d'une révolte anarchiste contre le pouvoir en place, au cours de laquelle on ferait exploser le Parlement de Londres. Pour nous raconter l'histoire de la conspiration des poudres, je reçois Pascal Bastien, qui est professeur d'histoire à l'Université du Québec à Montréal. Pascal Bastien, bonjour. Bonjour. On va revenir dans un instant sur l'importance qu'a cette conspiration des poudres dans l'histoire britannique. Mais un mot d'abord sur, puisqu'on entendait cet extrait du film V pour Vendetta, un mot sur cet écho plus proche de nous que prend cette fameuse histoire de la conspiration des poudres. Depuis quelques années, en fait, on s'est même mis à utiliser le masque de Guy Fawkes. Je pense à un groupe comme Anonymous. Il y a vraiment quelque chose, là. Tout à coup, une résonance contemporaine liée à cet attentat raté de 1605. Oui, en effet, le masque utilisé par le groupe Anonymous est davantage ancré dans la bande dessinée de contre-culture donc, que vous avez évoquée, V pour Vendetta, et par le film qu'il a ensuite réalisé et commercialisé. Il a rendu disponible un masque qui alors n'avait été que dessiné. Mais ce climat, cette réutilisation de Guy Fawkes est véritablement créée ou accompagne le développement de ce groupe Anonymous qui, au tout début des années 2000, en fait vers 2005-2006, va naître sur Internet et va utiliser, revendiquer le message de la bande dessinée puis du film pour se créer sous une forme de collectif agissant sur une base anarchiste. On aura l'occasion tout à l'heure de dire que Guy Fawkes n'avait rien d'un anarchiste, mais sur une base anarchiste au profit donc d'une liberté d'expression totale contre tous ceux qui imposent une forme de contrôle, que ce soit les banques, les multinationales. C'est ça le lien, la contestation du pouvoir établi. On veut un changement de l'ordre en place. Revenons à la conspiration, à cet événement historique, la conspiration des poudres du 5 novembre 1605. On aura l'occasion plus tard de revenir sur la résonance que ça a encore aujourd'hui. Mais quelle importance a cet événement dans l'histoire des Britanniques? comme d'autres événements tragiques qui peuvent nous sembler très, très anciens, on pense par exemple en France à la Saint-Barthélemy en 1572, on est dans le même contexte de conflit confessionnel. Mais là, la catastrophe non advenue de l'attentat de 1605 a longtemps constitué une espèce de peur de l'étranger. De peur de l'étranger parce que même des Anglais catholiques sont conçus comme étant des étrangers dès le début du XVIIe siècle. On a beau être Anglais, mais dans la mesure où on refuse la suprématie religieuse du roi ou de la reine et que son souverain c'est Rome, eh bien, les catholiques sont souvent conçus, pas systématiquement, il peut y avoir une présence catholique, il y a une présence catholique en Angleterre de toute façon, mais il y a depuis tout au long du XVIIe siècle, et notamment au cours du XVIIIe siècle, cette espèce de regard sur les catholiques qui n'est pas un regard associé à leur foi, mais un regard associé à la possible persécution que les catholiques peuvent réserver aux Anglicans, aux Anglais. Et en ce sens-là, l'événement de 1605, cette conspiration des poudres, est comme un marqueur, un rappel de cette constante menace. C'est un peu l'importance que ça a. C'est le symbole. C'est d'abord le symbole de la victoire du peuple britannique sur un attentat catholique. Et c'est l'expression que la menace est toujours présente. Elle est cachée, elle est secrète, elle est souterraine. On le verra tout à l'heure dans l'événement. Mais on doit toujours s'en méfier. On doit toujours être circonspect et se méfier des catholiques. Alors parlons du contexte. Vous l'avez un peu évoqué. La religion est au cœur de ce qui mènera cette conspiration des poudres, mais dans quel contexte est planifiée donc cette conspiration? Qu'est-ce qui conduit à ce plan prévu pour le 5 novembre 1605? Il faudrait éviter que je me lance dans un trop long contexte, mais il est clair que partout en Europe, donc le luthéranisme, le protestantisme, les divisions religieuses causent toute une série de problèmes, de troubles, de guerres civiles souvent, que l'Angleterre a réussi à éviter, ce qui n'est pas le cas en France à la même époque. Mais néanmoins, il y a un temps de persécution, un temps de tension qui va permettre à une série de catholiques d'envisager, d'espérer un changement dans un pouvoir politique qui d'abord soit Henri VIII, amorce et engage la chasse des catholiques au profit de ces nouveaux anglicans. Et puis progressivement, il y aura, avec Élisabeth, qui suit le règne de l'autre fille d'Henri VIII, qui est Marie, Marie Tudor, qui elle est catholique, qui elle persécutera les protestants. Élisabeth revient au pouvoir et va réinstituer l'acte de suprématie qu'avait imposé Henri VIII. L'acte de suprématie qui dit très très clairement, désormais vous devez promettre, vous devez prêter serment que le chef de l'Église, c'est le roi. Et que donc, en ce sens, l'appartenance religieuse est une appartenance politique. Dans ce cadre-là, toutes les persécutions, la répression qui va accompagner les catholiques en Angleterre ne se fait pas au nom de la religion, mais se fait toujours au nom de la trahison, treason. Et donc, en ce sens, il n'y a pas de division entre le catholique et le traître. C'est dans ce contexte, que des tensions existent. Avec l'acte de suprématie, les catholiques, et notamment donc la gentry, les catholiques aristocrates ou nobles, sont incapables de pouvoir avoir accès à des postes politiques. Et il est donc indispensable pour eux de changer de gouvernement pour avoir accès au pouvoir dont ils sont privés. Et le lien avec Jacques VI d'Écosse, qui est Jacques Ier d'Angleterre, parce que c'est ça aussi le point, le déclencheur, l'étincelle qui mènera à cette conspiration des poudres. C'est-à-dire que Jacques VI est le neveu, donc Jacques VI d'Écosse, roi d'Écosse, qui deviendra Jacques Ier d'Angleterre, et le neveu d'Élisabeth. Élisabeth meurt sans enfant, il n'y a pas de successeur direct au trône, et donc le plus proche parent, c'est Jacques VI d'Écosse. Jacques VI d'Écosse est protestant, mais il est le fils de Marie, qui était catholique, et beaucoup de catholiques anglais espéraient qu'avec Jacques VI, devenu Jacques Ier, donc le premier Stuart de la lignée, qu'il allait y avoir un retournement de faveur. Une sensibilité à l'égard des catholiques, alors que c'est tout le contraire. Jacques Ier suit exactement la politique assez ferme d'Élisabeth et que immédiatement les catholiques sont déçus. Ils ne retrouvent pas les droits dont ils sont spoliés depuis plusieurs années. D'où l'idée de le faire tomber. Quel objectif précisément poursuivent les catholiques derrière la conspiration des poudres? On écoute David Cressy, auteur du livre Bonfire and Bells, en parler dans le documentaire Gunpowder, Treason and Plot, diffusé à la BBC en 2004. The Gunpowder Plot is remarkable because of the scale of the attempt on the life and apparatus of the Stuart Crown. La conspiration des poudres avait l'ambition incroyable d'anéantir la maison royale des Stuart. D'autres tentatives avaient eu lieu dans le passé où l'on avait attaqué un monarque au moyen d'un pistolet, d'un poignard ou d'une épée. Mais de s'en prendre à l'élite politique protestante au grand complet, c'était autre chose. Dans la liste de ceux qui auraient été tués, advenant la réussite de l'explosion, il y avait le roi, la reine, la princesse, la famille royale, l'héritier de la couronne, tous les barons, tous les évêques, tous les membres du Parlement, les principaux juges et les hauts fonctionnaires. Tous auraient été pulvérisés. Et ça, c'était sans précédent. C'est vrai que c'est incroyable, c'est très, très impressionnant, l'ampleur de cette machination derrière la conspiration des poudres. C'est absolument énorme, Pascal Bastien. C'est effectivement, la question, c'est toujours ce projet qui finalement n'est pas réalisé. Comment peut-on mesurer son impact? Mais il est clair que, effectivement, si Westminster explose, comme par ailleurs on le voit dans le film V for Vendetta, eh bien, c'est l'ensemble du gouvernement. Oui. L'ensemble du gouvernement qui tombe. Il ne s'agit pas donc d'un changement de régime, il ne s'agit pas d'une révolution que l'on souhaite mettre en place, mais tout simplement se débarrasser de tous les Anglicans qui sont au pouvoir pour ensuite les remplacer par des catholiques ou à tout le moins des anglicans sensibles, puisqu'il y en a, sensibles aux catholiques. Alors qui est derrière, on a parlé de Guy Fawkes, mais de fait Guy Fawkes, c'est pas l'architecte en tout cas de cette conspiration. Qui est derrière la conspiration des poudres et comment s'organise cette opération du 5 novembre 1605? Alors le cœur de la conspiration, ce sont 5 individus. Vont s'adjoindre à ces 5 individus pendant l'année de préparation de la conspiration, 8 autres qui se joindront et qui donneront soit des fonds, donc du financement pour acheter justement les poudres, pour permettre de voyager, de déplacer et mettre en place l'attentat. Mais Guy Fawkes n'est qu'un des 5 membres et celui qui est l'instigateur de la conspiration, c'est Robert Catesby. Robert Catesby est un catholique. Son père a été lui-même sujet de persécution. Catesby a été emprisonné 2 fois parce qu'il a participé à des soulèvements anti-anglicans. Il est un fervent catholique et il est aussi membre de la gentry. Il a quand même un peu de capital symbolique et il va, à partir de 1603, avec l'arrivée de Jacques Ier et lorsqu'il réalise qu'il n'y a pas d'espoir avec Jacques Ier, il va donc mobiliser une petite équipe. Thomas Winter, qui est son cousin, John Wright, riche, un homme d'action plutôt qu'un homme de lettres. Thomas Winter est un homme assez cultivé qui va réussir à donner accès à la cour pour préparer en quelque sorte l'attentat sous le Parlement. Et puis Guy Fawkes, qui est aussi un soldat, qui est aussi un diplomate et qui a l'avantage de ne pas avoir été présent en Angleterre durant les 10 dernières années. Il a été soldat catholique avec les Espagnols dans la guerre qu'on appelle aujourd'hui la guerre de 80 ans contre la monarchie espagnole et ce qui deviendra les Provinces-Unies. Oui. Dans les archives du procès, il signera Guido Fawkes et non pas Guy Fawkes. Mais donc, il revient à Londres. Il est, j'ai envie de vous dire, anonyme, c'est-à-dire qu'il n'est pas connu. Et dans la mesure où, à Londres, c'est un visage qui n'est pas connu, il peut circuler et il aura accès à la cour en accompagnant Thomas Winter. Il accompagnera les gens à la cour et ce sera lui qui aura la responsabilité d'allumer la mèche sous la cave qui a été louée par l'un des conspirateurs, qui a été louée sous le palais de Westminster, exactement à l'endroit où le trône de Jacques Ier se serait tenu. Et en fait, on va stocker dans cette cave de Westminster des explosifs, de quoi faire exploser donc le Parlement. 670 kilos de poudre à canon. Ouais. Et tout ça doit en principe se passer le 5 novembre 1605. Qu'est-ce qui fait que le plan va être déjoué? Alors, le plan est déjoué à la dernière minute. Hein. Si on se souvient de Guy Fawkes, c'est parce que c'est lui que l'on a attrapé les mains dans le sac, hein, avant qu'ils mettent le feu aux poudres, c'est le cas de le dire. Mais il n'est encore pas très clair de savoir qui a écrit la lettre à un des lords de la Chambre des lords, à Lord Monteagle. Certains disent que c'est un des conspirateurs qui, pris de remords, lui aurait écrit. Lord Monteagle est un de ces lords anglicans assez proches et assez sensibles des catholiques, associé à beaucoup de familles catholiques. Et d'autres suggèrent que c'est Lord Monteagle lui-même qui a écrit la lettre parce qu'il était impliqué dans la conspiration et que, pris de remords, il a souhaité accompagner le chambellan jusque dans les caves pour saisir Guy Fawkes, la main dans le sac. Donc c'est vraiment à la dernière minute que le complot est arrêté. Parce qu'une fameuse lettre donc prévient un lord que de ne pas se lui dit ne vous présentez pas à Westminster le 5 novembre 1605. Ça fait que tout à coup il se dit il y a quelque chose et là on va se mettre à inspecter Westminster, le palais, les caves, et hop, on attrape Guy Fawkes. Au début, il va dire, je suis seul dans ce complot, pour finalement dénoncer ses complices. Il faut dire qu'il sera victime de torture et que tout ce beau monde, en fait, la mise à mort, il y aura un procès et une série d'exécutions, mais ce sera atroce, là. Oui, c'est-à-dire que un certain nombre de ses collègues seront tués avant d'être jugés. Catesby et Price seront tués avant d'être arrêtés. Mais Fawkes est torturé. On dit généralement qu'en Angleterre, dans la procédure judiciaire, la torture n'a pas lieu d'être. Mais il y a la chambre étoilée qui permet pour les procès politiques de torturer pour obtenir dénonciation des complices. Et il va dénoncer l'ensemble des complices. Ouais. Ceux qui seront pris seront effectivement jugés, condamnés à mort pour treason et soumise au supplice le plus épouvantable qui soit, c'est-à-dire la pendaison courte, l'éviscération et le découpage en quatre quartiers. Cette conspiration, l'échec de cette conspiration des poudres va créer de très fortes secousses dans le royaume. Les catholiques, entre autres, seront les premières victimes. C'est un peu cynique, mais en payer le prix. À nouveau, l'auteur David Crissey. If the plotters had hoped to relieve the conditions of Catholics in England, it's entirely counterproductive. Si le complot avait pour objectif l'émancipation des catholiques en Angleterre, on peut dire que ça a été un échec total. Après la conspiration, s'est développée une méfiance généralisée envers les catholiques. On les associait au terrorisme, à l'antéchrist, au démon. Et pendant que les catholiques ne cherchaient qu'à vivre à l'abri des regards et à élever leurs enfants dans la foi, ils étaient brimés, harcelés et démonisés par leurs voisins. Harassed in all sorts of ways and demonized by their neighbors. Alors, quel impact va avoir dans les faits? On l'a vu, hein, les catholiques vont en payer durement le prix, mais Pascal Bastien, quel impact aura, quelle suite ça donnera, cet échec de la conspiration des poudres? Ben, en fait, c'est-à-dire que l'impact est un impact de terreur. De terreur durable, pas simplement dans les jours ou dans les semaines qui vont suivre, mais chacun qualifie la possibilité de ce complot comme quelque chose d'impensable, comme quelque chose d'indescriptible, quelque chose sans nom. Dans cette perspective, il y a la méfiance que j'évoquais tout à l'heure à l'égard des catholiques qui sera constante, qui sera constante et qui permet, si vous voulez, d'associer à la conspiration des poudres les éventuelles émeutes anticatholiques qui existent au cours du 18e siècle jusqu'au Gordon Riot de 1780. Et puis, il y aura cette conspiration des poudres. L'échec de la conspiration des poudres laissera de nombreuses traces dans l'art populaire, dans la littérature, entre autres. Le théâtre, la littérature. Absolument. On aime bien qu'il soit toujours, assez difficile d'interpréter d'une façon unilatérale les pièces de Shakespeare, mais Macbeth écrit donc en 1606. Macbeth, pour les gens du théâtre, savent qu'on l'appelle The Scottish Play. Donc, c'est un récit sur, justement, un roi écossais. C'est un récit de trahison. C'est un récit de meurtre. Et puis de punition des meurtriers. Et il y a chez Macbeth, et on souligne que chez Shakespeare, dans Macbeth, il y a une réflexion, un commentaire sur la conspiration des poudres et sur évidemment le sort épouvantable qui attend les conspirateurs. Et puis il y aura, parce que encore aujourd'hui, chaque année, le 5 novembre, il y a des célébrations au Royaume-Uni. Il y aura cette chanson dont on entendait les paroles qui sont reprises dans V pour Vendetta au tout début de l'émission. Ça, c'est un autre signe tangible des traces que laissera cette conspiration des poudres dans l'art populaire, dans la culture populaire. Justement, sur cette célébration du 5 novembre au Royaume-Uni, on écoute un extrait de l'émission d'actualité de l'ORTF du 5 novembre 1961 qui nous raconte un peu ce que ça peut donner et les drames que ça peut parfois aussi engendrer. La conspiration des poudres. La conspiration des poudres, oui, cette fête a lieu chaque année en souvenir de Guy Fawkes, qui en 1605 tenta sans succès de faire sauter le Parlement, ce qui tendrait à prouver que les Anglais ne se consoleront jamais de ne pas avoir fait sauter leurs députés. Enfin, là n'est pas la question. Car à Raspberry, près de Londres, chez le chanteur Tommy Steele, la Petard's Party s'est terminée en tragédie. Un pétard est en effet tombé dans un panier contenant des fusées de feux d'artifice. Le contenu du panier a explosé et incendiant la maison. Mais vous allez voir que ça devient dramatique. Un homme et une femme ont été brûlés vifs. Un autre homme a succombé, terrassé par une crise cardiaque. Et l'actrice Dinah Dorse, qui assistait à la pétard party, s'est blessée à la jambe en sautant par la fenêtre. Dans le centre de Londres, plus de 300 personnes ont été arrêtées par la police pour insultes à agents, refus de circuler et surtout pour avoir glissé des pétards dans les tuyaux d'échappement des voitures, ce qui procure, paraît-il, mille désagréments au conducteur qui, après avoir roulé une centaine de mètres, voit son pot d'échappement éclater sous lui. C'est l'humour anglais. Alors, au-delà du côté anecdotique de ce qu'on vient d'entendre, bien que dramatique à certains égards, de quelle manière est souligné, on souligne chaque année encore, aujourd'hui au Royaume-Uni, ce 5 novembre 1605, qu'est-ce qui se passe le 5 novembre, Pascal Bastien, au Royaume-Uni? Bien, dès 1606 et jusqu'en 1859, le Parlement avait enregistré une loi déclarant le 5 novembre comme Thanksgiving, comme la journée d'action de grâce. Donc en 1859, cet acte est retiré, mais il est clair que le 5 novembre existe toujours, comme le reportage le soulignait, existe toujours cette fête. Une fête qui ne souligne pas le projet de Guy Fawkes, mais évidemment qui son souligne échec. Et encore aujourd'hui, donc, ce qu'on appelle de Guy Fawkes Night, bien de Bonfire Night, c'est là où, un peu comme une espèce de Saint-Jean, on allume des feux, on fait exploser des pétards pour célébrer un événement dont on se souvient à peine du déroulement, mais pour souligner festivité, moment de liberté. C'est tout à fait, c'est resté. Dans la culture populaire, encore aujourd'hui. Revenons, puis terminons, un peu comme on a commencé cette émission avec cet écho plus contemporain, quand la conspiration des poudres, Guy Fawkes, son fameux masque depuis quelques années, quel lien on peut établir entre Guy Fawkes, par exemple, et le mouvement Occupy, d'une part, mais aussi le fameux Million Mask March du 5 novembre. Ces événements sont fondés et engagés par le groupe Anonymous qu'on a évoqué tout à l'heure, hein, qui avait agi toujours sur Internet pour, par exemple, dénoncer l'Église de Scientologie, pour dénoncer les banques, les multinationales. Et puis, justement avec Occupy Wall Street, eh bien, une mobilisation qui quitte l'espace public virtuel pour un espace public matériel. Et donc la marche que vous évoquiez, c'est la mise concrète, la réappropriation concrète des populations citoyennes portant le masque de Guy Fawkes pour dire que désormais, au-delà du virtuel, il y a la nécessité d'agir immédiatement pour se libérer des différents contrôles qui nous sont imposés. C'était absolument fascinant, Pascal Bastien. Merci beaucoup de votre participation à l'émission. Merci à vous. Pascal Bastien, professeur d'histoire à l'Université du Québec à Montréal. Merci également à Mathieu Beauchamp, à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Martin Boulanger. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.